Evariste Ndikomanyanga. Alphonse Kouguimane est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Beaucoup de dégâts dont le bilan n'est pas encore connu ont été enregistrés sur la route nationale numéro 5, route Bujumbura-Chibitoke, où les pluies diluviennes se sont abattues dans les localités de Nyamitanga, dans la province Chibitoke, et Buramata, dans la province de Bubanza. L'association Nabaliza, qui milite pour les droits des prisonniers, plaide pour l'achat d'un véhicule de transport pour des femmes prisonnières, car la façon dont elles sont transportées n'est pas digne, avec le risque de voir leurs droits violés. Et la chronique nutrition de ce dimanche axée sur le poireau, légume qui est sourcé de vitamine C. Bienvenue à cette édition. Les pluies torrentielles se sont abattues sur les communes de la province Bubanza depuis ce samedi et ceux de la province Chibitoke jusqu'au ce dimanche ont endommagé des maisons, les routes, les champs agricoles. La RN5 route Bujumbura-Chibitoke n'était pas impraticable ce dimanche matin au niveau de Nyamitanga où deux personnes ont été blessées. Le bilan total n'est pas encore connu, mais l'administrateur communal de Buganda, Pamphile Hakizimana, ayant demandé à la population sinistrée dont les maisons ont été détruites de loger provisoirement dans les bâtiments des écoles les plus proches et qui n'ont pas été touchés par les intempéries. Les détails avec Space Caritas Cavagnana. Ces pluies torrentielles ont commencé ce samedi soir et pas mal de choses sont déjà endommagées comme les maisons, les routes, les cultures, les poteaux électriques et autres. Pas mal de routes, surtout de la plaine, sont couvertes d'eau comme nous l'avons constaté sur certaines collines de la commune Gihanga. La RN5 Bujumbura-Chibitoke était impraticable ce dimanche matin au niveau de Nyamitanga, une localité souvent menacée par des éboulements de sable en provenance de l'amont. Au village 1 de la commune Gihanga, les habitants sont inquiets suite aux éboulements proches du cimetière. Certaines maisons sont déjà à terre selon les administratifs et locaux contactés qui disent que le bilan n'est pas encore connu car il pleut encore jusque ce dimanche. Les cultivateurs n'espèrent rien récolter. Leurs champs de culture, de maïs, de haricots, de riz et autres sont couverts d'eau, comme ils le précisent. Les administratifs locaux appellent la population à creuser des canaux d'évacuation d'eau près des routes et des maisons. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana. Le Conseil des ministres est tenu mercredi dernier à analyser le projet de décret portant harmonisation d'avancement en grade des primes, des indemnités, des bonifications, des titres dans les institutions publiques à statut spéciaux. Ce projet de décret présenté par le ministre de la Fonction publique et du Travail et de l'Emploi vient combattre les disparités constatées, suivez le compte rendu du secrétaire général du gouvernement, Jérôme Niondi. Après analyse, le projet a été adopté moyennant les observations et recommandations suivantes. 1. Améliorer la note de présentation du projet de décret pour bien montrer l'objectif poursuivi et pourquoi certaines institutions ne s'y retrouvent pas. 2. Se référer à la loi portant révision du budget de l'exercice budgétaire 2023-2024 et supprimer la référence aux autres lois budgétaires. 3. Préciser que cette harmonisation est transitoire en attendant l'alignement de toutes les structures fonctionnant avec le budget de l'État à la politique salariale équitable. 4. Accélérer le processus d'élaboration de la politique salariale équitable afin que sa mise en œuvre commence avec l'exercice budgétaire prochain. 5. Insérer un article qui précise que toutes les institutions concernées par ce décret et ayant déjà opéré le déblocage administratif avant la signature du présent décret doivent s'y conformer. 6. Calculer l'impact budgétaire qui sera occasionné par la mise en application de ce décret ainsi que celui signé en septembre 2023, et adopter le mode unique de calcul des salaires pour toutes les institutions à partir de l'année budgétaire 2024-2025. Au chapitre des divers, le Conseil des ministres a recommandé aux ministres ayant en charge la fonction publique et celui ayant en charge les affaires sociales d'accélérer le dossier en rapport avec la pension de la retraite pour qu'il soit clôturé le plus rapidement possible. C'était la Jérôme Niyondima, secrétaire général du gouvernement. L'Association pour la défense des droits des prisonniers Nabariza demande au gouvernement de doter d'un véhicule assurant le transport des femmes prisonnières lorsqu'elles vont comparaître. Jean-Marie Chimirimana explique que transporter les prisonniers dans un même véhicule, il y a risque que les droits des femmes soient violés. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi, le représentant légal de l'association Nabariza a signalé que le véhicule assurant pour le moment le transport des prisonniers devrait être changé. Suivez Jean-Marie Chimirimana dans cette traduction de Leonidas Kirump. Voir des femmes transportées dans un même véhicule avec les hommes, c'est vraiment choquant. Nous savons que les femmes sont fragiles et les transporter dans ce camion dit Nambabazi, c'est vraiment triste. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de trouver des moyens pour doter aux femmes prisonnières leur propre véhicule pour garantir leurs droits. Vous savez que parmi les prisonniers, il y a des indisciplinés qui peuvent violer les droits des femmes lorsqu'ils transitent avec eux dans un même véhicule. Nous aimerions dire aussi que ces véhicules ne sont pas dignes de transporter des êtres humains, car à leur sortie de prison, ils pourront être responsables. Imaginez si une fois tu rencontres quelqu'un devenu ministre alors que tu l'as vu dans le camion de la sorte. Il faut que le gouvernement fasse tout pour améliorer les conditions de vie carcérale par rapport à l'état actuel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Capé sur Kayanza ou les cafés culteurs regroupés au sein de la coopération d'Ohorera, Murimyi de la colline Randa, en commune Kabarore, trouve que le gouvernement burundais devrait se doter des plantations caféicoles. Ils indiquent que comme ça, l'État connaîtra les peines qu'endurent les caféiculteurs dans l'entretien de cette culture industrielle. Avit Mawinimana, représentant régional de la coalition des caféiculteurs dans la région nord, tranquillise que cette question trouvera solution les jours à venir. Les détails avec Patrick Sengiumfa. La coopérative d'Ohorera Barini se trouve à la colline Randa en commune Kabarore. Ce samedi, la coopérative a procédé au paiement du premier sur le rendement sur la production vendue à cette coopérative par les caféiculteurs pendant la saison caféicole 2022-2023. Les caféiculteurs contactés ont apprécié positivement cette initiative de la coopérative d'Ohorera Barini, mais ont déploré que le prix d'achat d'un kilogramme de café cerise reste insatisfaisant. De l'autre côté, les caféiculteurs trouvent que le gouvernement burundais devrait avoir des plantations caféicoles. Selon ces caféiculteurs à Kabarore, dans ce cas, les administratifs sauront les dépenses que les caféiculteurs engagent pour entretenir cette culture industrielle. Guillaume Itangisha, c'est représentant de l'association Puy Coffee Africa, des Hollandais qui achètent le café de la coopérative d'Ohorera Barini, dit lui aussi que le gouvernement burundais devrait revoir encore à la hausse le prix d'un kilogramme de café cerise, vu la montée des prix des autres produits, surtout alimentaires, au marché. Puis donc, parmi les cafés qui trouve que les jours à venir, le rendement agricole du café pourra baisser du fait que les jeunes ne s'intéressent plus à cette culture industrielle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pour la radio Isanganiro. De Kayanza, rendons-nous à Kirundo pour parler sécurité. Désormais, toute personne qui sera appréhendée en commune Kirundo sans carte d'identité sera sanctionnée d'une amende de 2000 francs bouts. Celui qui ne sera pas connu dans la localité sera considéré comme malfaiteur. Cela a été dit ce samedi par l'administrateur de cette commune, Léviateur Habimana, dans une réunion de sécurité où il a mis en garde les gens qui hébergeront les visiteurs qui doivent d'abord les faire inscrire chez le sous-chef de colline car ils ont des informations qu'il pourrait y avoir des attaques des malfaiteurs, comme ça s'est passé à Gatumba, dans la commune de Mutimbusi. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le poireau est source de vitamine C qui stimule le système immunitaire, participe au bon fonctionnement du système nerveux. Et selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, le poireau est composé de fer, de vitamine B9, de métacarotène et de vitamine E pour lutter contre le vieillissement cutané. Le poireau permet de préserver la santé cardiovasculaire. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Le poireau est un légume qui peut être préparé dans plusieurs façons. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winesa commence à nous expliquer ce que c'est ce légume et son fonctionnement dans notre organisme. Le poireau se trouve dans des familles des oignons. Le poireau, comme beaucoup de nutritionnistes le décrivent ou bien le surnomment ou bien le parlent, le poireau peut éliminer l'acide urique. C'est le nom qui l'indique que le poireau est un bon légumes se trouvent dans des légumes et qui peut éliminer l'excès d'acide urique. Le poireau, synonyme de poireau, allium et apamperoplasum, c'est-à-dire en d'autres termes poireau d'été ou bien poireau perlé. Le tige du poireau, allium pollum, plante herbacée de la famille des liliacées. Jean-Paul Winesa précise que le poireau a une quantité suffisante de sucre et contient aussi des vitamines B9 et de fer. Les poireaux contiennent un acide d'hydrate de carbone qui égale 12,3%. Le poireau contient d'acide folique qui égale 64,1 microgrammes par 100 grammes. Et aussi, à ce qui concerne des minéraux, parmi ces derniers, il faut citer le calcium, 59 mg par 100 g, et aussi le poireau contient de magnésium, 28 mg par 100 g, et aussi le poireau contient le fer, 2,1 mg par 100 g. 500 g de poireau apporte le 10 mg de fer dont a besoin un adulte. En cas d'arthrite, le poireau peut aider à éliminer les déchets qui menacent le corps. Le poireau contient également une huile essentielle semblable à celle de l'oignon. Faites l'oignon rouge et l'oignon blanc comme ça. C'est moins concentré. En fait, l'acide qui se trouve dans le poireau, c'est moins concentré que l'oignon. Faites pour l'huile essentielle. En cas d'arthrite, est provoqué par excès d'acide urique. Notre organisme produit tous les jours de l'acide urique en tant que déchet de métabolisme des protéines qui est éliminé à travers l'urine. Quand il est produit en excès, l'acide urique a tendance à se déposer dans les articulations, ce qui provoque l'inflammation et les douleurs. Le poireau est un bon alcalinisant quand vous utilisez des poireaux et diurétiques. Quant à sa consommation, le poireau peut être consommé étant cru et peut être mélangé avec d'autres aliments. Le poireau peut se manger étant cuit quand il est très tendre. Il peut être consommé dans des salades comme d'oignons. En fait, ça peut s'utiliser comme d'oignons sous forme de salade. On peut les bouillir aussi ou les préparer à la vapeur, assaisonner d'huile et de citron. On peut les accompagner avec d'autres aliments plutôt comme des pommes de terre, ainsi de suite. Le poireau proviendrait du Moyen-Orient. Ses origines précises restent inconnues. Merci à Jean-Marie Mayonga. Revenons sur Kirundo, où désormais toute personne qui sera appréhendée en commune Kirundo sans carte nationale d'identité sera sanctionnée par une amende de 2000 francs. Celui qui ne sera pas connu dans la localité sera considéré comme malfaiteur. Cela a été dit ce samedi par l'administrateur de cette commune, Viateur Rehumana, dans une réunion de sécurité où il a mis en garde les gens qui hébergeront les visiteurs, qui doivent d'abord les faire inscrire chez les sous-chefs de colline, car ils ont des informations qu'il pourrait y avoir des attaques des malfaiteurs, comme ça s'est passé à Gatumba dans la commune de Mutimbusi, n'est-ce pas, Abraham Safari? Dans cette réunion de sécurité tenue ce samedi au chef-lieu de la commune de Kirundo, l'administrateur de cette commune, Viateur Habimana, a signalé qu'il y aura désormais sur des barrières la demande de l'identité pour chaque personne. Les policiers doivent être vigilants, c'est le site administratif, et toute personne qui ne sera pas en possession d'une identité sera sanctionnée d'une amende de 2000 francs. Pour bien contrôler les mouvements de va-et-vient au centre urbain de Kirundo, Viateur Habimana précise que chaque famille qui va héberger un visiteur doit obligatoirement le faire inscrire chez le sous-chef de quartier ou de colline, car ils ont des signes qui montrent que les malfaiteurs peuvent perturber l'ordre, comme cela a été fait à Gatumba, en commune de Mutimbuzi. Concernant les voleurs qui font des actes de vol en commune de Kirundo, les sous-chefs de quartier doivent vérifier si les présumés voleurs sont logés à la maison, sinon des actes qui seront commis ici et là seront mis à la tête de ces derniers. Signalons que cette réunion s'est tenue au mois où en commune de Kirundo se parle des cas de vol nocturne dans les ménages et dans les champs de culture. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari pour tous ces détails. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Les autres émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro.